Cercle le 23 octobre au Cercle. Billets en vente chez le Knockout, à la billetterie du Cercle et en ligne au pointdevente.com. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde. Là, je regardais Bruno, j'étais pas sûr, la lumière allumait pas. Là. D'habitude, ça allume pour me dire que je suis en onde. Et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Alors, on a encore une fois pour vous plein de bonne musique rock progressive, quelques nouveautés et des disques récents. Et des coups de cœur, comme d'habitude. Moi, je prépare mon émission avec des albums coups de cœur, avec les pièces coups de cœur. On a également des groupes de la relève du rock progressif de Québec à l'émission. Mais pour débuter, on aura un duo, pas un duo, mais un doublé. Oui, un doublé américain. On sait que les groupes américains, là, il y en a de plus en plus d'excellents groupes de rock progressif américains, et dont les deux nouveautés assez récentes, là, la nouveauté de cette semaine, Perfect Beings, ça, c'est leur second album. Intitulé, ben, qui porte le titre de 2. Hein? L'album précédent est un album éponyme en 2014. Ça s'était classé dans, je dirais, dans les meilleurs albums là, de l'année 2014, dans les 50 meilleurs, si on veut, là, si on va sur Prog Archive, par exemple, qui est une excellente référence en rock progressif. Pour voir la discographie, un peu ce que les gens en pensent, aussi beaucoup de chroniques sur les disques. Donc, Perfect Beings, et on aura une première pièce donc de cet album, et également Kinetic Element. Ça a été mon coup de cœur des deux dernières semaines. Ça faisait quand même un certain temps que je l'avais. Je l'avais tout de suite aimé, mais là, ça a joué en boucle dans les deux dernières semaines. Donc, leur second album, Kinetic Element, un album intitulé Travelogue. Leur premier était paru en 2009, Powered by Light, que j'avais beaucoup aimé. Il y a beaucoup de claviers dans ça. Moi, j'ai quand même un faible pour les groupes qui sont où il y a beaucoup de claviers, là. Mais il y a excellente guitare. Il y a les voix, d'ailleurs. Il y a des artistes invités qui chantent sur ça. On aura l'excellente pièce Vision of a New Dawn, mais tout d'abord, Perfect Beings, la pièce Cause and Effect. Dark. This will help you. fancy making all the markings of a life in the here and now. I have been searching, I have been searching for a dream whose start and finish I compose. But in my dreaming from all falls. In spite of all the things I wished upon my pillow, in spite of nothing that I took for granted to show, there's a land that I know I despise, a place where Le groupe américain Kinetic Element a tiré de leur plus récent album Travelogue la pièce Vision of a New Dawn. C'était précédé de Perfect Beings, c'est ce qui avait débuté l'émission, tiré de leur plus récent album Two, la pièce Cause and Effect. On parle un peu des spectacles. Ce soir, il y avait Big Time là, en hommage à Peter Gabriel. Il y a plusieurs spectacles qui s'en viennent très bientôt. Le groupe de Québec, Illward, on aura une pièce juste au retour de la petite pause. Illward, donc, leur plus récent album, Flies in Amber Stones. Michel en a fait jouer une pièce la semaine dernière. Ils seront à La Source de la Marinière. Ça, c'est près de... sur la boulevard de la Canardière, ou de la Canardière. Le 24 octobre, donc, avec Adamine et Wanderlust. Et également le 23 donc octobre à l'Impérial, Saga, ça c'est la veille dans le fond, c'est Saga et avec Inner Odyssey, donc un autre excellent nouveau groupe de Québec. On en aura un autre également au retour de la pause. Il y a Mystery au Centre d'art La Chapelle le 29 octobre. Ils viennent nous présenter Diligent, leur plus récent album et leur meilleure pièce. Alors, également, les 13 et 14 novembre prochains au Palais Montcalm, King Crimson, c'est à guichet fermé. On aura dans deux semaines une émission spéciale sur King Crimson en lien avec leur venue à Québec après plusieurs années. Ça fait depuis 2003 qu'ils n'étaient pas venus. D'ailleurs, normalement, ils n'étaient pas supposés faire d'autres d'autres tournées, mais ça va être vraiment intéressant d'entendre ça. Et PFM au Palais Montcalm également le 21 novembre avec The Best. Alors, on peut s'attendre à ce que ça va être The Best. On aura une pièce un peu plus tard dans l'émission. Donc, on ira avec une petite pause publicitaire. Et au retour, on a Illward, tiré donc de Flies and Ember Stones, la pièce Alive. Ça sera suivi de Universe Effects et une pièce de la pièce titre de leur album In the Haze That Surrounds Us, paru cette année également, un groupe de Québec. Donc au retour, un doublé québécois avec Illward et Universe Effects. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. I've been searching so long to find. clouds floating by, shadows soaring high, piercing through the sky, rising up beyond where we would dare to fly. Fragile nations built on hate, reaching a critical phase, only driven by desire and greed, lacking what they truly need. Confined in a world of artificial honesty, complaining that the world is losing all humanity, trying to escape, trying city shining bright. Have we found the secret path to great insight? Taking time to neutralize what feeds the truth behind the lies, bringing back what unifies and frees the children as they rise. Yeah. kisses. Let them all burn in the world they hold dear. I sail away, crossing the Rubicon. We'll be right back. give the gifts I'm meant to give. Sur les ondes de CKRL à Québec, l'excellent groupe Is, américain, donc tiré de leur plus récent album Everlasting Instant, paru cette année. C'est définitivement dans mes coups de cœur de 2015, cet album-là. Et la pièce Can't Feel the Earth Part 4. Excellent. Et on avait un doublé américain. Il y avait eu juste avant Glasshammer, tiré de leur plus récent aussi, paru en tout début d'année, The Breaking of the World et la pièce Babylon. Excellent album aussi. Hein? Puis on s'en parlait, Bruno et moi, il y a un parallèle avec Is dans la façon de chanter dans cette pièce de Glasshammer. Alors on y va bientôt pour une petite pause et au retour, on a un doublé c'est deux bandes qui étaient l'an dernier au festival Terra Incognita, Annick Dutton et Fabio Zuffanti Live. On aura donc du plus récent Annick Dutton, les pièces Until the Ghosts Are Gone et le plus récent Zuffanti Live. Alors on y va avec une petite pause et au retour Annick Dutton. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Canaille est de retour à Québec après avoir présenté leur plus récent album Rond-Point à travers le Québec et en Europe. Ne manquez pas votre chance d'assister au spectacle le 23 octobre au Cercle. Billets en vente chez le Knockout, à la billetterie du Cercle et en ligne au pointdevente.com. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vap Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez VAP Classique. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. La Foire du disque de Québec approche à grands pas. Cette année, plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. Good evening, ladies and gentlemen. C'est un rendez-vous

Lontano. Anni luce, osservo il cammino nel volo che ti libra, conosci le cose. Impazzita, guido il tuo cammino su di me. si stringe, milioni di luci mi stanno accecando, le stelle cadendo uccidono il mondo. Chi sono mai stato? Chi sono mai stato? E senza più peso io salgo, riscrivo il mondo con cenno di mano, volteggia lo sguardo su terre perdute, e dentro mi immergo, e dentro mi immergo, avverto la lama che spezza il gioco. Fabio Zuffanti and Band, Il Mondo Che Era Mio, c'est l'album en spectacle, mais en fait c'est, ça a été enregistré live mais pas devant public, ça a été enregistré en 2014 et c'est paru à la fin 2014, et c'était un large extrait de la pièce Horizonte degli Eventi qui était, paraissait à l'origine sur l'album de Finistère, In Limine. Ça, c'était, ça datait au départ de 1996, mais cette version-là, là, le son de guitare qu'il y a dans ça, puis les claviers, tout ça, c'est wow. C'est vraiment, puis la qualité du son, là, est excellente. Juste avant, il y avait Anecdoten Until the Ghosts Are Gone, et, c'était, la pièce Shooting Star. Alors, on y va. En musique, avec, voyons, Lazuli. Lazuli, qui est un excellent groupe français, tiré de leur plus récent album, Tant que l'herbe est grasse, c'est leur cinquième album, paru en 2014. Et ils sont en tournée avec Fish aux Pays-Bas, mais plutôt au Royaume-Uni. Voilà, avec Fish au Royaume-Uni pour une tournée avec Lazuli en première partie. Alors, on va y aller tout de suite avec Lazuli. Mes larmes ont séché et à l'anglaise j'ai filé. Au monde bruyant et affairé, deux, trois punaises pour qu'il se taise, j'ai planté. J'ai tiré ce monde obèse, pris dans la glaise, laissé à terre. Seulement un chant, une mélopée, au grand air à l'aise, bémol et dièse, à la clé. Vous est présenté par La Barberie. Alors, de retour avec Bruno et Marc, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Lazuli, tiré de leur plus récent album Est-ce que l'herbe est grasse? Tant que l'herbe est grasse, pardon. Oui, paru en 2014. Il y a Claude Leonetti, qui est un des membres fondateurs, qui a la Léode. C'est un instrument qu'il a inventé suite à un accident qu'il avait fait. Il avait un problème avec ça. Sa main, puis il a inventé cet instrument-là qui donne une sonorité absolument unique.

feel connected. We love the show. For the moment, we believe in all these needs. They lead us forward. They guide our way through the icy blue night and far away. Far away. Far away. Thank you.